Notre-Dame de Paris. Avant qu'entre en scène Esmeralda, Frollo, Phébus, Fleur de Lys et autres personnages essentiels du roman de Victor Hugo, nous allons faire connaissance, entre grimaces et mystères, avec Pierre Gringoire, poète qui bientôt se fera truand, mais aussi avec Clopin Trouillefou, sur fond de journée particulière à Paris. Et bien sûr, et très vite, surgira un être difforme, bossu, borgne, un démon, un cauchemar. Nous sommes bien dans le roman Notre-Dame de Paris, adapté par la radiodiffusion française à la fin des années 50. En voici les trois premiers épisodes. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Il y a exactement 475 ans, les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches, sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé le souvenir que ce 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Non, ce 6 janvier-là, réunissait tout simplement, mais pour la grande joie du peuple, le jour des rois et la fête des fous. Il devait y avoir feu de joie, place de grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille, à son de trompe dans les carrefours, par les gens de Monsieur le Prévôt, en beau hoqueton de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. Bonjour, maître le Hutin. Vous fermez boutique? Mais comme vous, messire du tertre. Ce n'est pas jour à travailler, sauf pour les cabarets et les marchands de farce. Où irez-vous séant? Ma foi, je prends parti pour le mystère. On dit qu'il sera fort beau, et les ambassadeurs flamands arrivés de la surveille y assisteront. Cela fait que le spectacle sera en même temps sur les tréteaux et dans la salle. Et vous? Nous irons à la grève. Les enfants aiment le feu de joie. Et par ces temps de gelée, les flammes font plaisir à voir. Bonne journée, messieurs du tertre. Ne vous perdez point dans la foule. Et méfiez-vous des tire-laines, maître le Hutin. Laissez passer l'escorte de monsieur le cardinal de Bourbon. Allons, maintenant. Faites place à monsieur le cardinal de Bourbon. Hé, qui l'attend? Ce jour-ci est au peuple et les carrosses iront au pas. Baisse ce soit de la foule. Nous n'y arriverons point. Monsieur le cardinal sera en retard pour le mystère. Laissez passer le cardinal de Bourbon et madame d'Autriche et le bailli du palais et le recteur de l'université. Ah, ils ont bien de la chance, tous ces gens-là, de pouvoir fendre la foule comme on ferait d'une aune de drap. Tiens, à force de les laisser passer, c'est nous qui nous passerons du spectacle. Oh, j'en ai perdu mon bonnet, me voici en cheveux. Oh, prête-moi ton fichu, Liénarde. Tiens, Magisquette, tiens et courons. J'aimerais être là pour le début. Oh, merci. Je connais un des quatre sergents du bailli qui garde la table de marbre. Il nous fera placer. Oui, vite, allez, vite, courons. Pour lors, les quatre sergents du bailli, gardiens obligés de tous les plaisirs du peuple, les jours de fête comme les jours d'exécution, avaient fort à faire. À l'intérieur du palais de justice, la foule s'épaississait et comme une eau qui dépasse son niveau, commençait à monter le long des murs, à s'enfler autour des piliers, à déborder sur les entablements. Et à la clameur de cette foule enfermée, pressée, étouffée, se mêlait la plaisanterie des écoliers dont l'insolence et l'effronterie faisaient peur à tout le monde. Sur mon âme, c'est vous, Johannes Frollo de Molendino. Vous êtes bien nommé Jean du Moulin, car vos deux bras et vos deux jambes ont l'air de quatre ailes qui vont au vent. C'est que je suis en équilibre sur cette maudite fenêtre. Moitié dehors, moitié dedans. Et depuis combien de temps êtes-vous là? Par la miséricorde du diable, voilà plus de de 4 heures et j'espère bien qu'elles me seront comptées sur mon temps de purgatoire. Bien entendu, les 8 chantres du roi de Sicile entonnaient le premier verset de la haute messe de 7 heures. Oh, de beaux chantres, et qui ont la voix encore plus pointue que leur bonnet. Avant de fonder une messe à Monsieur Saint-Jean, le roi aurait bien dû s'informer si Monsieur Saint-Jean aime le latin psalmodié avec l'accent provençal. Oh, c'est pour employer ce maudit chantre du roi de Sicile qu'il a fait cela, je vous demande un peu. 1000 livres en tarisis pour une messe. Et c'est nous qui devons les payer sur notre recette de la halle aux poissons. Paix, ma bonne femme. Il fallait bien fonder une messe. Vouliez-vous que le roi retombât malade? Bravement parlé, sire Gilles le Cornu, maître pelletier fourreur des robes du roi. Le Cornu, s'appelle le Cornu. Et sans doute, qu'avez-vous à rire, bonne femme? Hein? N'est-ce pas un nom comme les autres? Et n'est-il pas honorablement porté? Gilles le Cornu, ici présent, est fourreur des robes du roi. Son frère, Jean le Cornu, est prévôt de l'hôtel du roi. Ils sont les fils de maître le Cornu, premier portier du bois de Vincennes, et tous ces le Cornu sont mariés de père en fils. Vous n'êtes qu'une bande des solides et de mal appris. Des écoliers qui parlent de la sorte à un bourgeois, de mon temps les eut fustigés avec un fagot dont on les eut brûlés ensuite. Qui chante cette mauvaise gamme? Mais je le reconnais, c'est maître Andy Munier, l'un des 4 libraires jurés de l'université. À bas l'université, le recteur, les électeurs et les procureurs. À bas tout ce qui nous gêne, et les le Cornu en particulier. Oh mais c'est donc la fin du monde. Je vous le dis, maître Andy, c'est la fin du monde. On n'a jamais vu pareil débordement de l'écolerie. Ce sont les maudites inventions du siècle qui perdent tout. On ne respecte plus rien ni personne, maître Andy. Et ces écoliers qui apprennent le latin sont maintenant trop nombreux. On veut des gens instruits et on fait des sacripants. Tout ça ne peut que finir mal. Enfin, Midi, le mystère va commencer. Commencez. Les bourgeois, nous devons avoir l'honneur de déclamer et représenter devant son éminence, monsieur le cardinal, une très belle moralité qui a nom le bon jugement de madame la Vierge Marie, dont je suis l'auteur. Son éminence accompagne en ce moment l'ambassade très honorable de monsieur le duc d'Autriche, laquelle est retenue à l'heure qu'il est par la harangue de monsieur le recteur de l'université à la porte Baudet. Dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. Oh non, non, tout de suite, à la potence, l'auteur, à la potence. Gisquette, il est joli garçon, l'auteur du mystère. Comment s'appelle-t-il? Attends. Le programme dit Pierre Gringoire. Oh. Le mystère. En garde du triple, l'auteur. Et que voilà un bel argument pour remplacer un spectacle par un autre. Messieurs Gringoire, que faire? Ils vont finir par mettre le feu au tréteau avec tout dans le milieu. Commencez immédiatement. Donner satisfaction aux populaires. Bien. Je me charge d'apaiser monsieur le bailli qui apaisera monsieur le cardinal. Nous allons commencer tout de suite. Reprenez votre sang-froid, s'il vous plaît, pour que nous puissions représenter devant vous le bon jugement de madame la Vierge dans toute sa munificence. Qu'il a l'air doux et gentil, ce Pierre Gringoire. Bon, je voudrais bien lui parler. Eh bien, appelle-le, il est tout près de nous. Tu crois vraiment? Dépêche-toi. Le rideau va bientôt s'écarter, après tu ne pourras plus l'approcher. Maître! Psst, maître! Mais tais-toi donc, ma chère, ce n'est pas un clerc, c'est un laïc. Oh. Il ne faut pas dire maître, mais bien messire. Messire! Oui, vous! voulez-vous de moi, mademoiselle? Oh, rien. C'est ma voisine Lénarde qui veut vous parler. Oh, que l'on pas. C'est mon ami Gisquet de l'agence sienne qui vous a dit maître. Et moi, je lui ai dit qu'on disait messire. Vous n'avez donc rien à me dire, mademoiselle? Rien de rien. Rien du tout. Excusez-moi, j'avais cru comprendre. Et vous êtes si charmante. Adieu, donc. Oh non, non, messire! Oh, parlez-nous de cette œuvre dont vous êtes l'auteur. Mais volontiers. C'est une moralité toute neuve et qui n'a pas encore servi. Ah. Le spectacle sera fort beau. Ah. Chantera-t-on des bergeronnettes? Fi donc, dans une moralité, il ne faut pas confondre les genres. Si c'était une sottie, à la bonne heure. Oh, c'est dommage. J'ai beaucoup aimé celle qu'on a donnée voici 2 ans, le jour de l'entrée de Monsieur le Légat. Il y avait à la fontaine du Ponceau des hommes et des femmes qui se combattaient et faisaient plusieurs contenances en chantant Force Motet et Bergerette. Ce qui convient pour un légat ne va pas à une princesse. Et ma moralité est conçue tout exprès pour Madame la Demoiselle de Flandre. Oh, je le regrette. Oh, c'était très beau. Ce sera beaucoup plus beau aujourd'hui, beaucoup plus beau. Je vous le promets, mesdemoiselles. Oh, vraiment, vous nous l'assurez? Mais puisque j'en suis l'auteur, vous dis-je. Olé, Jupiter! Madame la Vierge, battleur du diable! Vous bossez-vous? Commencez ou nous recommençons? Allons bon, que se passe-t-il encore? Et va-t-on jouer enfin? La charité! La charité, s'il vous plaît! Ayez pitié d'un pauvre malheureux! Messieurs, mon âme, c'est Clopin Trouillefou, le roi des mendiants! La charité, mon peuple! Ayez pitié de moi! Hé! C'est donc toi, Clopin Trouillefou, qui va nous jouer la comédie? Oh, misère, ce scélérat va tout gâcher! Mais commencez, vous dis-je, commencez! De Madame la Vierge. Moralité de Messire Gringoire pour le texte et de Michel Giborne pour la charpente des décors. Enfin, mesdemoiselles, écoutez bien, s'il vous plaît. Oh, mais nous n'attendons que ça. Et même, je commençais d'en être fatiguée. Ah, voici les tentures qui s'écartent. Oh, comme le décor est magnifique. Arrêtez! Et faites place à son éminence, Monseigneur le Cardinal de Bourbon! Alors, arrivèrent deux par deux, avec une gravité qui faisait contraste au milieu du pétulant cortège ecclésiastique de Charles de Bourbon, les 48 ambassadeurs de Maximilien d'Autriche. Bailli, échevin, bourgmestre, tous roides, gourmets, empesés, endimanchés de velours et de damas, encapuchonnés de cramignoles de soie noire à grosses houppes de fil d'or, bonne tête flamande de la famille de celles que Rembrandt fait saillir si forte et si grave sur le fond de sa ronde de nuit. Monsieur Robert de Lespinasse, abbé de Saint-Germain-des-Prés. Pendant ce temps, qu'advenait-il du mystère de ce pauvre Gringoire auquel l'arrivée du cortège avait porté un coup très dur? Le bon peuple de Paris ne se passionnait plus que pour les hauts dignitaires dont il se désignait les ridicules et les travers instantanément perçus avec un irrespect et une gouaille qu'autorisait ce jour exceptionnel. Il n'y avait plus de mystère sur les tréteaux, mais dans la salle, une réalité truculente sans cesse alimentée. Monsieur Guillaume Rime, conseiller de la ville de Gand. Elle a, l'ami. Hey, que faites-vous là? On ne passe pas. Hey, pourquoi donc, s'il te plaît? Et c'est ici le passage des dignitaires. Mais comme vous, c'est drôle. Tu ne vois pas que j'en suis? Avec ce bicoquet de feutre et cette veste de cuir. Et alors? Juge donc ici les gens sur leur pelure. Quel est votre nom? Jacques Coppenole. Vos qualités? Chaussetier à l'enseigne des Trois Chaînettes à Gand. Quoi? Chaussetier? Et vous voulez que je vous annonce? Parfaitement. Monsieur le cardinal. Annoncez maître Jacques Coppenole, clerc des échevins de la ville de Gand. Non, croix Dieu! Jacques Coppenole, chaussetier, entends-tu, huissier? Rien de plus, rien de moins. Croix Dieu, chaussetier, c'est assez beau. Monsieur l'archiduc a plus d'une fois cherché son garde dans mes chausses. Oh, oh, quel phénomène! Il en blanc qui a pas froid aux yeux. Plaisantable. Ils sont drôles, les Flamands. La charité, s'il vous plaît. La charité, mes bons chiens. Quel est celui-là et que fait-il ici? Monsieur le bailli. N'est-ce pas un mendiant qui nous gâche ainsi la vue? Mais jetez-moi ce drôle à la rivière. Tout de suite, monsieur le cardinal. Ayez pitié d'un pauvre malheureux. Drôle fou, mangrotte. C'est bien toi. Copner. Tu vas donc changer de nom? Oh, mon vieil ami. Donne-moi la collante, je ne me tiens plus de joie. Mais que se passe-t-il? Voilà une scène bien étonnante. Monsieur le bailli, mettez-moi ce drôle dehors. Quand non pas! Clopatrouille Fou est un de mes amis et j'entends qu'il demeure à mes côtés. L'ambassadeur et le roi des mendiants qui s'en va. Oh, on parle à Sainte Vierge. J'ai jamais rien vu de pareil. Oh, le plaisant spectacle. Et regardez un peu, mamie, la tête que fait le cardinal. Oh, monsieur l'abbé de Sainte-Geneviève, que pensez-vous de tout ceci? Je crois rêver. Plaisants ambassadeurs que nous envoie là, monsieur l'archiduc. Votre éminence perd ses politesses avec de tels gens. Oh, et dire que tout ceci nous annonce l'arrivée de madame Marguerite de Flandre, un chaussetier. Hélas, monsieur le cardinal, celui-ci m'a tout l'air de pouvoir en même temps chausser les têtes d'une cagoule et d'une corde. Monsieur le cardinal, puis-je vous demander ce que vous décidez à propos du mystère? Il était sur le point de débuter lorsque votre éminence est arrivée. Mais continuez, cela m'est égal. Puisqu'il nous la faut supporter, pendant ce temps, je vais lire mon bréviaire. Bourgeois, manants et habitants, pour satisfaire ceux qui veulent qu'on commence et ceux qui veulent qu'on en finisse, son éminence ordonne que l'on continue. Bravo! Les personnages en scène reprirent donc leur glose, et le pauvre Pierre Gringoire se prit à espérer que son œuvre serait enfin écoutée. Mais cette illusion, comme les autres, s'évanouit bientôt. Car tandis que les comédiens s'évertuaient, l'huissier infatigablement continuait d'annoncer les personnalités qui prenaient place autour du cardinal. Et rien ne pouvait désensorceler l'auditoire de ce spectacle-là. De derrière les tréteaux, Gringoire ne voyait plus que des profils sans cesse tournés vers le portail d'entrée. Avec quelle amertume son cœur constatait l'écroulement de ses rêves de gloire et de poésie. Pourtant, il arriva que le brutal monologue de l'huissier prit fin. Tout le monde était là et Gringoire respira. Durant quelques instants, on entendit même les comédiens. Et vous, dame Vertu? Que n'êtes-vous séant pour adoucir les mœurs de tant de sacripants? Ne vous lamentez point, Seigneur, et menez plutôt le dauphin promis à la plus belle. C'est Vénus dans sa splendeur qui doit vous accueillir. Oh, assez! Ce spectacle m'ennuie, et je ne sais quoi, Dieu, ce que je fais ici. Hein? Que se passe-t-il? Je m'étais endormi au rond de cette pièce, mais pourquoi crie-t-on? Votre éminence, il s'agit encore de Jacques Coppenole. Le chaussetier? Précisément. Mais de quoi se mêle-t-il à présent? De faire arrêter le mystère qui l'ennuie. Ah ben sur ma foi, il a raison. Laissons-lui, l'abbé, le soin d'y mettre fin. Sa grossièreté nous dégage du souci de l'écouter nous-mêmes jusqu'au bout. Messieurs les bourgeois de Paris, je vous trouve bien bon de supporter tant de fadaises. J'ignore si c'est là ce que vous appelez un mystère, mais ce n'est pas amusant. Il se querelle de la langue et rien de plus. Voilà un quart d'heure que j'attends le premier coup. Ce sont des lâches qui ne s'égratignent qu'avec des injures. Ah, quel drôle d'homme! Écoutez-le! Il fallait faire venir des lutteurs de Londres ou de Rotterdam. Et à la bonne heure, là, hein, vous auriez eu des coups de poing qu'on aurait entendu de la place. Ce n'est pas là ce qu'on m'avait promis. Il devait y avoir fête de fous avec élection du pape. À Caen, nous avons aussi notre pape des fous. Voulez-vous savoir comment cela se passe? Oui, parlez, vite de chantier! Alors, eh bien, voilà. cloche. On se rassemble. Oui. Une cohue comme ici. Oui. Chacun à son tour va passer sa tête par un trou et fait une grimace aux autres. Celui qui fait la plus laide à l'acclamation de tous est élu pape. Hein? Qu'en dites-vous, messieurs les bourgeois? Il parle juste. Ramasser de laid visage pour espérer une belle grimace. Pour toi, Thiébaut. Non, messieurs les musiciens. Mieux vaut arrêter. Plus personne ne nous écoutera maintenant. C'est une catastrophe. Monsieur Gringoire. Qui m'appelle? Ah, c'est vous, mamie. Monsieur Gringoire, c'est dommage. Le spectacle pourtant s'annonçait avec bonheur. N'est-ce pas? Et si vous aviez pu écouter la fin? Il y avait de fort beaux décors et les costumes étaient superbes. Avez-vous pu entendre la première controverse entre Vénus et Jupiter? Hélas, nous n'en avons pu ouïr un traître mot. Oh, vous voyez? Oh, mais c'était sûrement très bien. Je vous remercie, mes belles, de m'être restées fidèles. Vous êtes trop honnêtes, monsieur Gringoire. Prenez l'estrade là-bas. Voilà, c'est ça. Et que chacun s'inscrive, homme ou femme, dans la petite chapelle de gauche. Gravez-moi la rosace du centre. C'est par là que les candidats passeront le visage. Allons, les musiciens. Jouons force rigodon. Coppenole, de sa place, ordonnait tout, dirigeait tout. Non moins décontenancé que Gringoire, le cardinal et sa suite avaient fui sous un prétexte quelconque, mais leur départ passa inaperçu. L'attention populaire poursuivait sa révolution. Le chant désormais était libre à toute folie. Il n'y avait plus que des flamands et la canaille. Les grimaces commencèrent, arrachant à la foule des cris hystériques. Toutes les expressions humaines, depuis la colère jusqu'à la luxure, toutes les fantasmagories religieuses, depuis Faune jusqu'à Belzébuth, tous les profils d'animaux, depuis la gueule jusqu'au bec, depuis la hure jusqu'au museau. La grande salle n'était plus qu'une vaste fournaise, et les visages étranges qui venaient tour à tour grincer des dents à la rosace étaient comme autant de brandons jetés dans le brasier. Montre du pape, qu'est-ce que c'est que cette grimace-là? Voilà, c'est triché, hein? On ne doit montrer que son visage. Oh, ce sont les fesses de Pierrette Caillebotte. Je vais reconnaître. Eh ben, ta santé, compère. Oh, ne poussez pas, j'ai tout. Oh, quelle horreur! Celui-là me fait peur. Regarde les femmes grosses. Mais c'est un singe. Un démon. Une gargouille. Un cauchemar. Vous reconnaissez, c'est Quasimodo, le oui, soleil de glace. Oui, c'est lui, le pape. L'habitant près de Notre-Dame, et la nuit, je l'entends rôder dans la gouttière avec les chats. Il est toujours sur mon toit. Il nous jette des sorts par les cheminées. Je suis sûre qu'il va au sabbat. Une fois, il a laissé un balai sur mes plombs. Dieu, je ne demande pas mieux, hein? Oh. Hola, bonhomme! Tu as bien la plus belle laideur que j'ai vue de ma vie! Oh, oui. Tu mériterais la papauté à Rome comme à Paris! Oui. Allez, descends recevoir ta couronne! Oui. Eh bien, entends-tu, Saint-Père? Ma parole, mais il ne bouge pas plus que s'il était sourd! Eh oui! Quasimodo! Alors descends de ton perchoir! Attention! Le voilà qui vient! J'ai peur, c'est le mien, j'ai peur! Prends des gardes! Il peut tuer un bœuf d'un seul coup de poing! Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Auseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Gisquette, Nan Germont, Liénard de Caroline Claire, Jacques Coppenole, Jean-Louis Maury, le cardinal Maurice Nazil, l'abbé Teddy Bilis, le bailli Michel Nastorg. Les hommes, les femmes du peuple avaient les voix de Geneviève Morel, Josette Camé, Guy Pierrot, Jean-Louis Maury, Jean Péméja et Marcel Vibert. Bruitage, Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces trois premiers épisodes ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 15, 16 et 17 avril 1957. À suivre et à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site transculture.fr à la rubrique de l'émission. Cloche de Notre-Dame à Paris, qui sonnait les glas et les carillons, qui sonnait la joie et la peine. Cloche de Notre-Dame à Paris, vous êtes vieille comme le monde, vous êtes pauvre comme la Seine, vous êtes tendre comme le bronze. Cloche de Notre-Dame à Paris, cessez vos glaces et vos carillons et penchez-vous un peu du côté d'Aubervilliers ou des Lilas et chantez le bonheur de ceux qui n'en auront jamais. Cloche de Notre-Dame à Paris, qui sonnait chaque mort d'évêque, sonnait un jour, une nuit, au hasard, comme ça, toute seule. Ça mettra les gens en bas de leur lit douillet à Paris, et ça fera peut-être peur.